Chapitre 11e, les paysans. N'ayant plus qu'une élève, quoiqu'elle me donnât plus de peine que trois ou quatre, et quoique sa sœur prît encore des leçons d'allemand et de dessin, j'avais beaucoup plus de temps à ma disposition que je n'en avais jamais eu depuis que j'avais pris le joug de gouvernante. Tant que j'employais partie à correspondre avec mes amis, partie à lire, à étudier, à pratiquer la musique, le chant, etc., et partie à me promener dans le domaine, ou les champs adjacents avec mes élèves, si elles désiraient ma compagnie, seules, si elles ne se souciaient point de m'avoir avec elles. Souvent, quand elles n'avaient point sous la main de plus agréable occupation, les Miss Murray s'amusaient à visiter les pauvres paysans qui demeuraient sur le domaine de leur père, pour recevoir leurs hommages flatteurs, ou pour entendre les anciennes histoires et les commérages racontés par les vieilles femmes, ou peut-être pour le plaisir plus pur de faire des heureux par leur présence et leurs dons, si aisément accordée, reçue avec tant de reconnaissance. Quelquefois j'étais prié d'accompagner l'une des deux sœurs, ou toutes les deux, dans ces visites, et quelquefois on me demandait d'y aller seul pour remplir quelques promesses qu'elles avaient été plus promptes à faire qu'à tenir, pour porter quelques petits dons, ou faire la lecture à ceux qui étaient malades ou tristes. De cette façon, je fis quelques connaissances parmi les paysans, et de temps en temps, j'allais leur rendre visite pour mon propre compte. J'avais généralement plus de satisfaction à y aller seul qu'avec l'une ou l'autre des jeunes ladies, car, par suite de leur éducation défectueuse, elles se comportaient envers leurs inférieurs d'une manière qui m'était fort désagréable à voir. Elles regardaient ces pauvres créatures pendant le repas, faisant des remarques inciviles sur leur nourriture et leur façon de manger. Elles riaient de leur ignorance et de leur langage campagnard, au point que quelques-uns osaient à peine parler. Elles traitaient de graves vieillards des deux sexes, de vieux fous et de vieilles bêtes, à leur nez, et cela sans aucune intention de les offenser. Je pouvais voir que ces gens étaient souvent offensés et ennuyés de cette conduite, quoique leur crainte des grandes ladies les empêchât de montrer aucun ressentiment. Mais elles ne s'apercevaient de rien. Elles pensaient que ces paysans étaient pauvres et ignorants, ils devaient être stupides et abrutis, qu'aussi longtemps qu'elles, leurs supérieurs, voudraient condescendre à leur parler, à leur donner des shillings, des demi-couronnes et des articles d'habillement, elles avaient le droit de s'amuser à leurs dépens. Que le peuple devait les adorer comme des anges de lumière, s'abaissant à pourvoir à leurs besoins et à leur illuminer leur humble demeure. Je fis de nombreuses et diverses tentatives pour débarrasser mes élèves de ces idées erronées sans alarmer leur orgueil, qui s'offensait vite et se calmait difficilement, mais avec peu de résultats, et je ne sais vraiment laquelle était le plus répréhensible des deux. Mathilde était plus rude et plus emportée, mais Rosalie, que par son âge et son extérieur distingué, on eût pu croire plus raisonnable, était aussi inconsidérée, aussi insouciante, aussi étourdie qu'une enfant de 12 ans. Par un beau soleil de la fin de février, je me promenais un jour dans le parc, jouissant du triple luxe de la solitude, d'un livre et d'un temps agréable. Car Miss Mathilde était montée à cheval, comme elle le faisait tous les jours. Miss Murray était sortie en voiture avec sa mère pour faire quelques visites du matin. La pensée me vint alors de laisser là ses plaisirs égoïstes et le parc avec son magnifique ciel bleu, le vent de l'ouest soufflant doucement dans ses branches sans feuillage, la neige que l'on voyait encore dans les bas-fonds, mais qui fondait rapidement sous les chauds rayons du soleil, et les gracieux daims broutant l'herbe humide qui commençait à prendre la fraîcheur et la verdure du printemps, et d'aller jusqu'au cottage de Nancy Brown, une pauvre veuve dont le fils travaillait tout le jour dans les champs. Elle était affligée d'une inflammation des yeux, qui depuis quelque temps la rendait incapable de lire, à son grand chagrin, car c'était une femme d'un esprit sérieux et réfléchi. J'allais donc, et la trouvais seule, comme d'habitude, dans sa petite cabane sombre, sentant la fumée et l'air enfermé, mais aussi propre qu'elle la pouvait tenir. Je la trouvais assise devant son petit feu, tricotant activement, avec un petit coussin à ses pieds, placé là pour la commodité de son gentil ami le chat, qui était couché mollement, sa longue queue encerclant ses pattes veloutées, et les yeux demi-clos regardant le feu d'un air rêveur. « Eh bien, Nancy, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Doucement, miss. Mes yeux ne vont pas mieux, mais mon esprit est un peu plus tranquille, » répondit-elle en se levant et en me saluant d'un air content. Ce qui me fit plaisir à voir, car Nancy avait été quelque peu atteinte de mélancolie religieuse. Je la félicitai sur son changement. Elle convint que c'était un grand bienfait du ciel, et s'en montra très reconnaissante, ajoutant « S'il plaît à Dieu de me conserver la vue, et de me permettre de lire encore la Bible, je me croirais aussi heureuse qu'une reine. « J'espère qu'il vous la conservera, Nancy, » répondis-je. « Et en attendant, je viendrai vous faire la lecture de temps en temps, quand je pourrai disposer d'un moment. » Avec des expressions de reconnaissance, la pauvre femme se leva pour m'offrir une chaise. Mais comme je lui en avais épargné la peine, elle s'occupa de tisonner le feu et d'y jeter quelques morceaux de bois, puis, à la prendre sa Bible sur le rayon, l'épousse avec soin et me la porta. Lui ayant demandé s'il y avait quelques passages qu'elle désirait entendre de préférence, elle me répondit « Eh bien, Miss Gray, si cela vous est égal, j'aimerais entendre ce chapitre de la première épître de Saint Jean qui dit « Dieu est amour, et celui qui habite dans l'amour habite en Dieu, et Dieu en lui. » En cherchant un peu, je trouvai ces mots dans le quatrième chapitre. Lorsque je fus au quatrième verset, elle m'interrompit, et en me demandant pardon d'une telle liberté, me pria de lire très lentement, afin qu'elle pût bien saisir le sens, et d'appuyer sur chaque mot, espérant que je voudrais bien l'excuser, attendu qu'elle était une simple créature. Les plus sages personnes, répondis-je, pourront réfléchir sur chacun de ces versets pendant une heure et en tirer profit, et j'aime mieux les lire lentement que vite. Je finis donc le chapitre avec autant de lenteur qu'elle le désirait, lisant en outre avec autant d'expression que je le pus. Mon auditeur m'écouta très attentivement et me remercia sincèrement lorsque j'eus terminé. Je demeurai sans rien dire environ une demi-minute, pour lui donner le temps de réfléchir sur cette lecture, quand, à ma surprise, elle rompit le silence en me demandant comment je trouvais M. Weston. « Je ne sais, » répliquai-je, un peu déconcerté par l'imprévu de la question. « Je pense qu'il prêche fort bien. »« Oui, et il cause bien aussi, vraiment. »« Oui, peut-être ne l'avez-vous pas vu beaucoup et n'avez-vous encore guère causé avec lui ?»« Non, je ne parle jamais à personne, excepté aux jeunes ladies du château. » « Ah, ce sont de charmantes et bonnes ladies, mais elles ne peuvent causer comme lui. »« Ils viendront vous voir, Nancy ?»« Oui, miss, et j'en suis bien reconnaissante. »« Il vient nous voir, nous autres pauvres créatures, un peu plus souvent que ne le faisait M. Blight, et que le recteur lui-même, et il fait bien, car il est toujours le bienvenu. »« Nous ne pourrions pas dire autant du recteur, car il y en a qui ont peur de lui. »« Quand il entre dans une maison, ils disent qu'il ne manque jamais de trouver tout mal. » Il se met à réprimander aussitôt qu'il a passé la porte. Mais peut-être croit-il que c'est son devoir de leur dire ce qui est mal. Et souvent il vient pour gronder les gens de ce qu'ils ne vont pas à l'église, ou de ce qu'ils ne s'agenouillent pas et ne se lèvent pas quand les autres le font, ou de ce qu'ils vont à la chapelle des méthodistes, ou autre chose de cette sorte. Mais je ne puis dire qu'il ait trouvé beaucoup à réprimander avec moi. Il vient me voir une fois ou deux avant l'arrivée de M. Weston, quand j'avais l'esprit si malade. Comme ma santé allait très mal aussi, j'osais l'envoyer chercher, et il vint tout de suite. J'étais bien cruellement affligé, Miss Gray. Grâce à Dieu, c'est un peu passé maintenant. Mais quand je prenais ma Bible, je n'en pouvais tirer aucune consolation. Ce même chapitre que vous venez de me lire me troublait beaucoup. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Cela me semblait terrible, car je sentais que je n'aimais ni Dieu ni le prochain, comme je l'aurais dû et comme je l'aurais voulu. Et le chapitre précédent où il est dit « Celui qui est né de Dieu ne peut commettre le péché. » Et un autre endroit où il est dit « L'amour est l'accomplissement de la loi. » Et beaucoup, beaucoup d'autres, miss. Je vous fatiguerais si je vous les disais tous. Mais tout semblait me condamner et me montrer que je n'étais pas dans la bonne voie. Et comme je ne savais pas comment y rentrer, j'envoyais Bill prier M. Hatfield d'être assez bon de venir me voir quelques jours. Et quand il vint, je lui dis tous mes troubles. « Et que vous a-t-il dit, Nancy ?» Il eut l'air de se moquer de moi, miss. Il se peut que je me trompe, mais il siffla d'une certaine façon et je vis un léger sourire sur son visage. Puis il dit « Oh, tout cela est de l'extravagance. Vous avez fréquenté les méthodistes, ma bonne femme. » Mais je lui dis que je n'étais jamais allé chez les méthodistes. Il me dit alors « Eh bien, il vous faut venir à l'église, où vous entendrez les Écritures correctement expliquées, au lieu de méditer là sur votre Bible à la maison. » Je lui dis que j'avais toujours fréquenté l'église lorsque j'étais en bonne santé, mais que par ce froid hiver, avec mes rhumatismes et mes autres infirmités, je ne pouvais me hasarder à aller si loin. Mais il me répondit « Cela fera du bien à votre rhumatisme de marcher jusqu'à l'église. Il n'y a rien comme l'exercice pour guérir le rhumatisme. Vous marchez assez bien dans les environs de cette maison, pourquoi ne pourriez-vous pas marcher jusqu'à l'église ? Le fait est que vous devenez trop esclave de vos aises. » dit-il, il est toujours facile d'inventer des excuses pour éluder son devoir. Vous savez, Miss Gray, qu'il n'en était pas ainsi. Pourtant, je lui dis que j'essaierai. Mais je vous prie, monsieur, dis-je, si je vais à l'église, en serai-je meilleur? J'ai besoin de savoir que mes péchés sont effacés, de sentir qu'ils ne me seront jamais opposés, et que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Et si je ne retire aucun bien en lisant la Bible et en faisant mes prières à la maison, quel bien trouverai-je en allant à l'église? L'église, dit-il, est le lieu désigné par Dieu pour son culte. Il est de votre devoir d'y aller aussi souvent que vous le pouvez. Si vous avez besoin de consolation, vous devez la chercher dans le sentier du devoir. » Et il dit beaucoup d'autres choses encore, mais je ne puis me souvenir de toutes ces belles paroles. Pourtant, toutes se résumaient en ceci, que je devais aller à l'église aussi souvent que je le pourrais, et porter avec moi mon livre de prière afin de lire tous les répons après le clair, lever, m'agenouiller, m'asseoir, au moment indiqué, communier à toutes les occasions, écouter ses serments ou ceux de M. Blythe, et que tout irait bien. Si je remplissais ainsi mon devoir, je finirais certainement par recevoir la bénédiction de Dieu. Mais si vous ne trouvez pas de consolation en suivant cette voie, tout est fini, dit-il. Vous penseriez donc alors que je serais réprouvé, dis-je? Et si vous faites tout ce que vous pouvez pour entrer au ciel, et que vous ne puissiez y réussir, vous devez être de ceux qui cherchent à entrer par une porte étroite et qui ne peuvent y parvenir. Et il me demanda alors si j'avais vu quelques-unes des ladies du château ce matin-là. Je lui dis que j'avais vu les jeunes miss aller sur la lande. Elle renversa mon pauvre chat sur le plancher et courut après elle, aussi gaie qu'une alouette. Mais moi, j'étais fort triste. Ces dernières paroles étaient tombées sur mon cœur et y restèrent comme une masse de plomb jusqu'à ce que je fusse fatigué de la porter. Pourtant, je suivis son avis. Je pensais qu'il avait de bonnes intentions, quoiqu'il eût une drôle de façon d'agir. Mais vous savez, miss, il est riche et jeune, et il ne peut guère comprendre les pensées d'une pauvre vieille comme moi. Je fis de mon mieux pour accomplir tout ce qu'il m'ordonnait. Mais peut-être, miss, je vous ennuie avec mon bavardage. Oh non, Nancy, continuez, dites-moi tout. Eh bien, mon rhumatisme alla mieux. Je ne sais si ce fut ou non parce que j'allais à l'église, mais un dimanche matin qu'il gelait fort, je contractai cette inflammation aux yeux. Elle ne se déclara pas tout à coup, mais peu à peu. Mais je vois que je vous parle de mes yeux. C'est du trouble de mon esprit que je voulais vous parler. Et pour vous dire la vérité, Miss Gray, je ne crois pas qu'il ait été guéri par mes visites à l'église. Ma santé alla mieux, mais mon esprit n'y gagna rien. J'écoutais et j'écoutais encore les ministres, je lus et relus mon livre de prière. C'était comme de l'air insonore et une cymbale qui tinte. Les sermons, je ne pouvais les comprendre, et le livre de prière ne servait qu'à me montrer combien j'étais perverse, puisque je pouvais lire de si bonnes paroles et n'en être pas meilleur. Et je sentais souvent que prier était pour moi un dur labeur et une lourde tâche, au lieu d'un bienfait et d'un privilège, comme pour tous les bons chrétiens. Il me semblait que tout était sombre et aride devant moi. Puis, ces mots terribles, « Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas », glaçaient mon esprit d'épouvante. Cependant, un dimanche que M. Hassfield prêchait sur le sacrement, je remarquai qu'il dit « S'il est quelqu'un parmi vous qui ne puisse calmer sa conscience, mais besoin de consolation et de conseil, qu'il vienne me trouver où il y a quelque autre sage et savant ministre de la parole de Dieu, et qu'il découvre son tourment. » Aussi, le dimanche suivant, avant le service, je me rendis dans la sacristie et commençai à parler de nouveau au recteur. J'avais eu de la peine à prendre une telle liberté, mais je pensais que, lorsque mon âme était en jeu, il ne me fallait pas hésiter. Il me dit qu'il n'avait pas alors le temps de m'entendre, et d'ailleurs, dit-il, je n'ai pas autre chose à vous dire que ce que je vous ai déjà dit auparavant. Recevez la communion et allez remplir votre devoir, et si cela ne vous sert pas, rien ne vous servira. Ainsi, ne m'ennuyez pas davantage. Je m'en allais donc, mais j'entendis M. Weston. M. Weston était là, miss. C'était son premier dimanche à Horton, vous savez. Il était en surplis dans la sacristie et dans le recteur à passer sa robe. Oui, Nancy. Et je l'entendis demander à M. Hassfield qui j'étais, et il répondit « Oh, c'est une singulière vieille folle !» Et je fus bien affligé, Miss Gray. J'allais à mon siège et m'efforçais de faire mon devoir comme auparavant. Mais je ne pus retrouver la tranquillité. Je communiais même, mais il me sembla que je buvais et mangeais ma condamnation. Aussi je revins à la maison cruellement troublé. Mais le lendemain, avant que j'eusse fait le ménage, car vraiment, miss, je n'avais pas le cœur à ranger, à balayer et à laver les pots, et je m'étais assise dans l'ordure, qui vois-je entrer? « Monsieur Weston, je me levai en sursaut et me mis à balayer et à faire quelque chose, et je m'attendais à ce qu'il allait me réprimander sur mon oisiveté, ainsi que M. Hatfield n'eût pas manqué de le faire, mais je me trompais. Il me dit seulement bonjour d'une façon très civile. Je lui ai posté une chaise et arrangé un peu le foyer. Mais je n'avais pas oublié les paroles du recteur et je lui dis « Je m'étonne, monsieur, que vous vous soyez donné la peine de venir de si loin pour voir une singulière vieille folle comme moi. » Il parut surpris de cela, mais il voulut me persuader que le recteur avait dit cela en plaisantant, et comme cela ne réussissait pas, il me dit « Eh bien, Nancy, il ne faut plus autant vous affecter de cela. » M. Hatfield était un peu de mauvaise humeur en ce moment-là, et vous savez que nul de nous n'est parfait, et que Moïse même parla inconsidérément et contre l'Esprit de Dieu de ses propres lèvres. Mais asseyez-vous une minute, si vous en avez le temps, et dites-moi tous vos doutes et vos craintes, et je m'efforcerai de les dissiper. » Ainsi, je m'assis à côté de lui. Il était tout à fait un étranger, vous savez, Miss Gray, et même plus jeune que M. Hatfield, je crois. Je lui avais vu une physionomie moins agréable que celle de M. Hatfield, et à première vue, il paraissait plutôt un peu sévère, mais il parlait avec tant de civilité. Et quand la chatte, pauvre créature, sauta sur ses genoux, il ne fit que sourire un peu et la caresser de la main. Je pensais que c'était là un bon signe, car une fois qu'elle fit la même chose pour le recteur, il la jeta brusquement à terre, comme par mépris et par colère. La pauvre douce bête. Mais on ne peut attendre d'une chatte qu'elle connaisse la civilité comme une chrétienne, vous savez, Miss Gray. Non, certainement, Nancy. Mais que dit alors, Monsieur Weston? Il ne dit rien. Mais il m'écouta avec autant de calme et de patience qu'il est possible, et sans jamais faire paraître la moindre expression de mépris. Ainsi, je continuai, et lui dis tout ce que je viens de vous dire, et même davantage. « Eh bien, dit-il, M. Hatfield avait tout à fait raison de vous dire de persévérer à remplir vos devoirs. Mais, en vous conseillant d'aller à l'église et d'assister au service, il n'a pas eu l'intention de vous dire que c'était là tout le devoir d'un chrétien. Il pensait que vous pourriez apprendre là ce qu'il faut faire en outre, et que vous seriez amené peu à peu à prendre du plaisir à ces exercices au lieu de les regarder comme une tâche et un fardeau. Et si vous lui aviez demandé de vous expliquer ces mots qui vous troublent tant, je crois qu'il vous eût dit qu'il y en a beaucoup qui cherchent à entrer par la porte étroite et qui ne le peuvent pas. Ce sont leurs propres péchés qui les en empêchent. Absolument comme un homme chargé d'un gros sac qui voudrait passer par une porte étroite et qui ne pourrait y parvenir qu'en laissant le sac derrière lui. Mais vous, Nancy, je ne crains pas de le dire, vous n'avez point de péché, donc vous ne seriez aise de vous débarrasser, si vous saviez comment. « Ah, monsieur, vous dites la vérité, répondis-je. Eh bien, continua-t-il, vous connaissez le premier grand commandement, et le second qui est semblable au premier, commandement qui renferme toute la loi et les prophètes. Vous dites que vous ne pouvez aimer Dieu, mais je pense que si vous pouviez sainement considérer ce que c'est que Dieu, vous trouveriez remède à cela. Dieu est votre Père, votre meilleur ami. Tout bienfait, tout ce qui est bon, agréable ou utile, vient de lui. Tout ce qui est mal, tout ce que vous avez raison de haïr, de mépriser, de craindre, vient de Satan, son ennemi aussi bien que le nôtre. C'est pour cela que Dieu s'est manifesté dans la chair, afin de pouvoir détruire l'œuvre du démon. En un mot, Dieu est amour, et plus nous avons en nous d'amour, plus nous sommes rapprochés de lui, plus nous possédons de son esprit. « Ah, monsieur, dis-je, si je peux toujours penser à ces choses, je crois que je pourrais toujours bien aimer Dieu. Mais comment puis-je aimer mes semblables lorsqu'ils me font du mal et sont pour la plupart si méchants et si pécheurs ?»« Cela peut sembler difficile, dit-il, d'aimer nos semblables qui sont si imparfaits et dont les fautes souvent éveillent le mal qui est en nous. Mais souvenez-vous que c'est Dieu qui les a faits et qui les aime. Que quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui a été engendré. » Et que si Dieu nous a aimés au point de laisser mourir pour nous son Fils unique, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Mais si vous ne pouvez éprouver une affection positive pour ceux qui ne se soucient pas de vous, vous pouvez au moins tâcher de leur faire ce que vous voudriez qu'il vous fût fait. Vous pouvez vous efforcer de plaindre leur chute et d'excuser leurs offenses, de faire en un mot tout le bien que vous pourrez à ceux qui vous environnent. Et si vous vous accoutumez à cela, Nancy, cet effort même vous les fera aimer un peu, sans parler de la bonté que votre bienveillance engendrera en eux, quoiqu'ils puissent n'avoir pas grand-chose de bon en eux. Si nous aimons Dieu et voulons le servir, efforçons-nous d'être comme lui, de faire son œuvre, de travailler à sa gloire, qui est le bien de l'homme, de hâter l'événement de son royaume, qui est la paix et le bonheur du monde entier. Dans ce but, quelque impuissant que nous paraissions être, en faisant tout le bien que nous pouvons dans le cours de notre vie, le plus humble de nous peut faire beaucoup. Vivons donc dans l'amour, afin qu'il puisse demeurer en nous et nous en lui. Plus nous accordons d'amour, plus nous en recevrons, même ici-bas, et plus grande sera notre récompense au ciel, à la fin de nos labeurs. Je crois, Miss, que ce sont là ses propres paroles, car j'y ai pensé plus d'une fois. Alors il prit la Bible, en lut çà et là des passages qu'il m'expliquait aussi clairs que le jour. Il me sembla qu'une nouvelle lumière se faisait dans mon âme. Je sentais comme un rayon qui pénétrait mon cœur, et j'aurais désiré que le pauvre Bill et tout le monde fût là pour l'entendre et pour se réjouir avec moi. Après qu'il fut parti, Anna Rogers, une de mes voisines, entra et me demanda si je voulais l'aider à laver. Je lui dis que je ne le pouvais pas en ce moment, car je n'avais pas encore mis sur le feu les pommes de terre pour le dîner, et n'avais pas lavé la vaisselle du déjeuner. Elle commença alors à me reprocher mon oisiveté. Je fus un peu vexé, mais je ne lui dis rien de mal. Je lui dis seulement, d'une manière très calme, que je venais d'avoir la visite du nouveau vicaire, mais que j'allais faire mon ouvrage aussi vite que je le pourrais, et qu'ensuite j'irais l'aider. Elle s'adoucit alors, et je sentis mon cœur s'échauffer pour elle. Et en un instant, nous fûmes très bonnes amies. Et c'est pourtant ainsi, Miss Gray. Une douce réponse fait tomber la colère, mais de dures paroles l'attisent, non seulement en ceux à qui vous parlez, mais en vous-même. C'est bien vrai, Nancy, si nous pouvions toujours nous en souvenir. Oui, si nous pouvions. Et M. Weston vint-il jamais vous revoir depuis? Oui, plusieurs fois. Et depuis que mes yeux sont si malades, il s'assied et me lit la Bible pendant des demi-heures. Mais vous savez, Miss, il a d'autres gens à voir et autre chose à faire, Dieu le bénisse. Et le dimanche suivant, il prêchait un si beau sermon. Son texte était « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. » Et les deux consolants versets qui suivent. Vous n'étiez pas là, Miss. Vous étiez auprès de vos amis alors, mais ce sermon me fit si heureuse. Et je suis heureuse maintenant, grâce à Dieu. Et je prends plaisir à faire quelques petites choses pour mes voisins. Ce que peut faire une pauvre vieille créature à moitié aveugle comme moi. Il se montre reconnaissant et bon pour moi, comme il disait. Vous voyez, Miss, je tricote en ce moment une paire de bas. C'est pour Thomas Jackson. C'est un pauvre vieillard assez querelleur. Nous avons eu beaucoup de difficultés ensemble et quelquefois nous avons été bien ennemis l'un de l'autre. Aussi j'ai pensé que je ne pouvais mieux faire que de lui tricoter une paire de bas bien chauds. Et depuis que j'ai commencé, j'ai ressenti que je l'aimais un peu plus, le pauvre vieux. C'est arrivé juste comme l'a dit M. Weston. Je suis très contente de vous voir si heureuse, Nancy, et si sage. Mais il faut maintenant que je m'en aille. On peut avoir besoin de moi au château, dis-je. Et lui disant au revoir, je partis, lui promettant de revenir lorsque j'aurai le temps, et me sentant presque aussi heureuse qu'elle. Une autre fois, j'allais faire la lecture à un pauvre laboureur qui était arrivé à la dernière période de consomption. Les jeunes ladies étaient allées le voir, et il leur avait fait promettre d'aller lui lire la Bible. C'était trop de dérangement pour elles. Il m'avait prié de les remplacer, ce que je fis assez volontiers. Là aussi, je fus gratifié des éloges de M. Weston, par le malade et par sa femme. Le premier me dit qu'il avait reçu une grande consolation et un grand soulagement des visites du nouveau vicaire, qui venait fréquemment le voir, et qui était une autre sorte d'homme que M. Hatfield. Que ce dernier, avant l'arrivée de l'autre à Horton, lui avait de temps à autre fait une visite, pendant laquelle il voulait que la porte du cottage fût ouverte, afin de laisser entrer l'air, sans s'inquiéter si c'était nuisible au malade. Qu'après avoir ouvert son livre de prière et lu une partie du service pour les malades, il s'enfuit avec précipitation, si toutefois il ne demeurait pas pour faire quelque dure réprimande à la pauvre femme, pour faire quelque observation stupide, pour ne pas dire cruelle, plutôt pour accroître que pour diminuer le tourment du pauvre couple souffrant. Au contraire, M. Weston prie avec moi d'une toute différente manière, et me parle avec la plus grande bonté. Et souvent aussi, il me fait la lecture, et s'assied à côté de moi comme un frère. « Tout cela est vrai, » s'écria la femme. Il y a environ 3 semaines, lorsqu'il vit le pauvre Jem trembler la fièvre, et quel misérable feu nous avions, il me demanda si notre provision de charbon était bientôt épuisée. Je lui dis que oui, et que nous étions assez embarrassés pour en avoir d'autres. Vous savez, je ne lui disais pas cela pour qu'il nous aidât. Cependant, il nous envoyait un sac de charbon le lendemain, et depuis ce temps, nous avons toujours eu un bon feu, ce qui est un grand bienfait par ce temps d'hiver. Mais c'est sa manière de faire, Miss Gray. Quand il va voir un malade chez de pauvres gens, il remarque ce dont ils ont besoin. Et s'ils pensent qu'ils ne peuvent se le procurer eux-mêmes, il ne dit rien, mais il l'achète pour eux. Et ce n'est pas le premier venu qui ferait cela, ayant aussi peu qu'il a. Car vous savez, madame, il n'a pour vivre que ce que lui donne le recteur, et on dit que c'est assez peu de choses. Je me souvins alors avec une espèce de triomphe qu'il avait été qualifié de brute vulgaire par l'aimable Miss Murray, parce qu'il avait une montre d'argent et portait des habits moins élégants et moins neufs que ceux de M. Hatfield. En retournant à la maison, je me sentis très heureuse et remerciai Dieu de ce que j'avais maintenant quelque chose pour occuper ma pensée, quelque chose pour rompre la triste monotonie, la pénible solitude de ma vie. Car j'étais seul. Jamais, excepté de loin en loin, et durant mes courts instants de repos chez mes parents, je n'avais rencontré personne à qui je pusse ouvrir mon cœur, ou dire librement mes pensées, avec l'espoir d'éveiller quelque sympathie ou même d'être comprise. Personne, excepté la pauvre Nancy Brown, avec qui je pusse avoir un moment de véritable commerce social ou dont la conversation pût me rendre meilleure, plus sage ou plus heureuse. Ma seule compagnie, jusque-là, avait été des enfants grossiers et ignorants, de jeunes filles à la tête écervelée, contre les fatigantes folies desquelles la solitude était un bienfait souvent désiré et hautement apprécié. Être réduite à une telle société était un mal sérieux, et dans ses effets immédiats, et dans les conséquences qui en devaient probablement découler. Jamais une idée nouvelle ou une pensée excitante ne m'arrivait du dehors, et s'il s'en élevait quelques-unes en moi, elles étaient pour la plupart misérablement étouffées parce qu'elles ne pouvaient voir la lumière. Nos compagnons habituels, on le sait, exercent une grande influence sur nos esprits et nos manières. Ceux dont les actions sont sans cesse devant nos yeux, dont les paroles résonnent toujours à nos oreilles, nous amènent inévitablement, mais malgré nous, peu à peu, graduellement, imperceptiblement peut-être, à agir et à parler comme eux. Je n'ai pas la prétention de montrer jusqu'à quel point s'étend cette irrésistible puissance d'assimilation. Mais si un homme civilisé était condamné à passer une douzaine d'années au milieu d'une race d'intraitables sauvages, à moins qu'il n'ait le pouvoir de les civiliser, je ne serais pas étonné qu'à la fin de cette période, il ne fût devenu quelque peu barbare lui-même. Ne pouvant donc rendre mes jeunes compagnons meilleurs, je redoutais fort qu'ils ne me rendissent pire, qu'ils ne m'amenassent peu à peu mes sentiments, mes habitudes, mes capacités au niveau des leurs, sans me donner leur insouciance et leur joyeuse vivacité. Déjà il me semblait que mon intelligence se détériorait, que mon cœur se pétrifiait, que mon âme s'endurcissait, et je tremblais de voir mes perceptions morales s'affaiblir, mes idées du bien et du mal se confondre, et toutes mes plus précieuses facultés périr sous l'influence mortelle d'un tel mode de vie. Les grossières vapeurs de la terre s'élevaient autour de moi et allaient obscurcir mon ciel intérieur. Et c'est à ce moment que M. Weston apparaissait dans mon horizon comme l'étoile du matin, pour me sauver de la crainte des ténèbres qui allaient m'envelopper. Je me réjouissais d'avoir enfin un sujet de contemplation qui fût au-dessus de moi et non au-dessous. J'étais heureuse de voir que tout le monde n'était pas composé seulement de Bloomfields, de Murrays, de Hatfields, de Ashbys, etc., et que l'excellence humaine n'était pas un simple rêve de l'imagination. Lorsque nous entendons dire un peu de bien et aucun mal d'une personne, il est aisé et agréable d'en imaginer plus de bien encore. Il est donc inutile d'analyser toutes mes pensées, qu'il me suffise de dire que le dimanche était devenu pour moi un jour de plaisir tout particulier, car j'aimais à l'entendre et aussi à le voir, et pourtant, je savais qu'il n'était pas beau, ni même ce que l'on est convenu d'appeler agréable d'extérieur, mais certainement il n'était pas laid. Sa taille était un peu, bien peu, au-dessus de la moyenne. La coupe de sa figure aurait pu être trouvée trop carrée pour être belle. Mais cela m'annonçait un caractère décidé. Ses cheveux, d'un brun foncé, n'étaient pas soigneusement bouclés comme ceux de M. Hatfield, mais simplement brossés sur le côté d'un front large et blanc. Les sourcils étaient, je crois, trop proéminents. Mais au-dessous, étincelait un œil d'une singulière puissance, brun de couleur, petit et un peu enfoncé, mais d'un éclat brillant et plein d'expression. Il y avait du caractère aussi dans la bouche, quelque chose qui annonçait la fermeté de dessein et le penseur. Et quand il souriait... Mais je ne dirai rien de cela maintenant, car au moment dont je parle, je ne l'avais jamais vu sourire, et son apparence générale ne me donnait point l'idée que ce fût un homme aussi simple et aussi affable que me l'avaient dépeint les paysans. J'avais depuis longtemps mon opinion formée sur lui, et quoi que peut dire Miss Murray, j'étais convaincu que c'était un homme d'un sens ferme, d'une foi robuste, d'une piété ardente, mais réfléchie et sévère. Et quand je trouvais qu'à ses excellentes qualités, il joignait aussi une grande bonté et une grande douceur, cette découverte me fit d'autant plus de plaisir que je m'y attendais moins.